بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم كتاب تعبير الجزء الثالث. Le livre de تعبير expression orale niveau 3. Traduit commenté par Abu Taymiya Khalil al-Martiniki حفظه الله تعالى. الدرس الثامن 8. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نعم، الحمد لله، اليوم ندخل في الدرس الثالث وهو نص حول بلاد فلسطين وتطلع فلسطين. فسنأخذ كفي عادتنا الكلمات الجديدة، سنقرأ النص. أنا سأقرأ أولا مع ترجمتي بسمع طيبا، تمام؟ ودبي ما جولي أم خمي دابا ما بوني نوفو الكابيلير بس الكلمو با لا سويت جو في لير لو تكست أون تخادويزون أونتي. آه تمام. أي باسكو التكست إلي أن بو إلي با سي أمبيونس جيوغرافي تو وا سي با سي با حوار. Même moi, là, il y a des mots, machallah, j'ai dû les retrouver. Des mots que je connaissais pas, j'ai dû les chercher. Alhamdulillah, juste à faire tout. Pas faire style. Non. Taïeb. Il dit Al-Kalimat Al-Jadida. Awalan Isra'un. Ma'amana Isra'un. Alif Isra. Al-Isra. Ma'ou. Adi Ayaf Al-Qur'an. Voyage nocturne. Al-Sami'u. Al-Basiru. هذا من أسماء الله، السميع والذي يسمع كل شيء، والبصير الذي يرى كل شيء. السميع سي تدوري par l'audion tout audion avant tout. ايوه البصير قبل تخديز البصير الكلاويون ceux qui voient tout en tout cas. Je sais pas s'il y a un mot particulier qui quoi, en français c'est pauvre, tu vois pas vraiment. En tout cas, Basir, là, il veut quoi, min Asma'illah. Quand il dit Sami al-Basir, il vise la part d'Asma'illah. Wallah yasma' wa yabsir wa ma'ana. Il est avec nous ? Hein ? Allah, ma'ana. Bi'ilmi ? Naam, bi'ilmi, ahsant. Wa lisa bi wujudi, bi dhati. L'an alo kunna anna Allah mawjoudun bi dhatihi. فهذه عقيدة الحلولية، أن الله في داخل خلقه، وهذا كفر. طيب سي الله ديك الله إلا avec nous ça veut dire qu'il serait dans sa création et cela c'est du kufr, c'est pas possible. لكن الله فوق السبع سماوات au-dessus des cieux. في العلو، علو من صفاته بما يليق به سبحانه وتعالى. Il est élevé. D'accord ? Au sa création. On peut dire où ? Poser la question, Aïn Allah. Comme a dit le hadith al-Jahiliyah, hadith Mu'awiyah, des musulmans, que Satan ont voulu rendre faible comme argument. Mais bon, ils n'ont pas réussi. Sinon, on peut dire Aïn Allah. Alors maintenant, quant au fait de dire que Allah est la direction, là où jiha, hada fi haqq wa fi batil. Car le mot jiha, j'avais parlé dans le Mabadi Mufida dans le Ders, la baisse, ben Mouraja, Al-Jiha, Ma'adja Allah, la fi kitab ou la fi sunnah. C'est pas un mot qui est venu dans le kitab ou sunnah, min, yani fi haqqillah. Cependant, comme tu le sais, ce n'est pas toute chose qui n'a pas été citée dans le Coran ou la sunnah qui veut dire que Allah, on ne l'attribue pas. Nous, on lui attribue ce qu'on sait. Est-ce que ça veut dire que ce qu'il a dit, il n'y a que ça pour lui? Comme c'est Asma. Il y a des Asma d'Allah qu'on ne connaît pas. Donc on ne peut pas dire il a ou il n'a pas. À part si c'est une sifat nox. Un défaut ou quoi, ça on dit il n'a pas. Tu vois, ça on dit il n'a pas. Mutlaqan. Ah mais si c'est quelque chose, par exemple, qui n'a pas de texte, mais qui peut être expliqué, on dit qu'est-ce que tu veux dire par là? Comme la jia, la direction. Est-ce que tu veux dire que Allah est dans une direction par rapport à sa création? En dessous, à droite, à gauche, genre de choses, au-dessus, mais au-dessus dans la création? On dit ça non. Il n'a pas de direction. Maintenant, si on veut dire au-dessus qu'il est élevé, direction de jia, elle m'en a le rouleau. Non, vous êtes là, vous allez. quand on dit فوق سماوات فوق ça indique bien العلو donc ça indique bien جهة maintenant cette جهة elle n'est pas مخلوقة c'est pas la جهة comme nous on entend donc quelqu'un peut pas dire Allah il n'y a pas de جهة t'es sûr il va bégayer Allah il y a une جهة t'es sûr en fait sans, qu'est-ce que tu vas dire par جهة c'est comme le corps tu vois ce sont des mots en fait مبتدعه comme l'a dit Charles Saint Taimiya il n'y a pas eu de texte dessus qui sont venus. Donc on n'a pas à les utiliser. Tu vois. Et on peut dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu veux dire par corps tu vois. Mais à la base, on dit que c'est des alphas qui n'ont pas été utilisés par les salafs et qu'il n'y a pas de texte dessus, donc tu n'as pas à les dire non plus. Tu t'arrêtes là où le texte s'est arrêté. Tu vois. Mais maintenant, si quelqu'un, tu lui demandes, tu veux dire quoi par corps? Parce que de toute façon, il peut aller loin. Hein. Tu veux dire pourquoi par corps? Un corps comme le nôtre, ah, c'est du couf. Donc là, à la tôle. Maintenant, c'est dû au fait qu'il a des attributs, qu'il a un dhat, ce genre de choses. On dit, non, mais le mot corps, il n'est pas venu. Tu vois, le mot corps, il n'est pas venu. On n'a pas de texte qui dit, regarde, là, il est un corps. Et là, il y a une sourate, tu vois, là où il y a Dan, là où le Qadaman, Akaza, Akaza, Akaza, les sifat, elles sont venues dans le texte. Ce qui est venu, on prend, ce qui n'est pas venu, on se tait. Non. Taïeb. Thumma kulna fataha yaftahu. La fataha yaftahu, c'est pas le sens de ouvrir, c'est le sens de conquérir. Vous voyez ? Ils ont déjà un nasrullahi wal fatah. Par le sens de la conquête. Korn. Korn, ma'ana miyat sana, un siècle. Korn, ma'ana, c'est un siècle. Naam. Shattatun. C'est dispersé. Enfin, dans le texte, tu vas comprendre, Inch'Allah. Dispersé. La base, Mazandakul l'a dit, Fawaki min shatta anwar, ce sont des fruits de diverses variétés. Pour dire plusieurs, en fait. Ça va venir. Mourtasob, Eishay, Ma'khouz du Kouwa. Il y en a usurpé ou violé. Ce genre de choses. Pris par force, c'est une chose qui était prise par force. Raya, mana alem, drapeau, étendard. Barda, shib, jazira, adamahu, une presqu'île. Chib. Ah, chib. Chib, c'est-à-dire une chose qui ressemble. Et Jazira, c'est Nil. Donc, là, le Maqsouduna, presqu'île. Une presqu'île. Ou péninsule aussi. C'est une péninsule aussi. El Ahdaf, et Talikhia, c'est les événements. Al-Ahdaf, ce sont les événements, les faits. Al-Tarikhiyya, c'est les événements historiques, ma famille. Bouldan, c'est un djem de Beled. Et souvent, Bouldan, il est employé par contrée. Et quand on veut dire en le plus, c'est Biled. Et Bouldan, c'est plutôt les contrées, les régions à l'intérieur d'un pays. Wallah alam. C'est ce qui apparaît, tu vois. Peut-être qu'aussi, on peut dire Bouldan pour dire des pays. Moi aussi. الحبوب للنبات الحبوب c'est le genre de habba habba c'est une graine ou le nabat c'est pour les plantes el khadrawat c'est le genre de khadar c'est les légumes el khizb ou le khizba c'est des lieux fertiles la verdure des lieux cultivables Murtafi'atun, ça va venir, c'est les hauteurs. Les hauteurs. Wal munkhafid, c'est l'axe, ce sera plutôt, on appelle ça les bassins. Tu vois, des bassins. Sur un pays, tu sais, c'est les lieux, le contraire de ceux qui sont élevés. Lieux creux, ce genre de choses. On appelle ça les bassins en français, je pense. Sahil, c'est la côte. Sahil, c'est la côte. Habba, yahubbu, ay, lirih, mana, souffler. Souffler ? Non, souffler, mais pour le vent, pas pour toi. Toi, c'est nafakha, pour l'humain, yanfour. Tu dis pas na ahubbu. C'est le vent souffle. Et tu ne veux pas dire une kazalique, rih, tanfour. Tu ne veux pas dire ça. Tu veux dire tahubbu. Million, alof, million, ça veut dire ce que ça veut dire. Million. Ihtilal, c'est mana, une occupation, en un lieu. Comme ça veut dire que les Juifs, ils ont occupé la Palestine. Ihtilal, c'est mana, istaoula, occuper, prendre un lieu de force, s'y installer. Mu'askar, là c'est un camp. Camp. Et souvent on l'emploie pour les camps militaires. Laji'un, ça c'est réfugié. Laji'un, réfugié. I'atamada ala, i'atamidu, c'est se baser, se reposer sur quelque chose. Et là, il veut dire au sens de l'orawi, ou la shalai. L'en al-i'atimad la yakun illa ala Allah. Al-yanabi', c'est le djem de yanbour, c'est les sources. Les sources. C'est quoi le moufrad? Yanbour. Le moufrad. Yanbour. Montajat, c'est les produits. C'est montajat. J'ai les deux points, moi. Aïe, ouais. Montajat. Tamim, anoun, ante, ajim. Alif, ante. Montajat. Ça va venir. Ils veulent parler des produits agricoles. Dans le texte, ça va apparaître. Al-Ma'adin, c'est le djem de Mi'adan. Mi'adan, c'est le métal. On a les Ma'adin, c'est les métaux. Les métaux. Jazira, maman la Jazira. Non. Ou l'Ibil. كان من الأحداث العظيمة إسراء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى في فلسطين. Donc parmi les événements, on va dire phénoménaux, grandioses, hein, le voyage nocturne du messager صلى الله عليه وسلم vers le masjid al-Aqsa en Palestine, en Palestine. ولقد ذكر الله ذلك في القرآن الكريم. فقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Donc Allah dans le Coran a déjà évoqué cela lorsqu'il dit dans le sens gloire à celui qui a fait voyager son serviteur de nuit depuis le Masjid al-Haram, d'accord, depuis le Masjid al-Haram, c'est-à-dire Mecca, vers le Masjid al-Aqsa, Palestine, celui autour duquel nous avons mis la baraka afin de lui montrer nos versets. Et il est certes le parfait audient et le parfait clairvoyant. Il entend tout, il voit tout. Fin ma'ana. وكان المسلمون يتجهون في صلاتهم إلى المسجد الأقصى حتى أمرهم الله بأن يتخذوا المسجد الحرام قبلة لهم فأصبحوا يصلون وهم يتجهون للكعبة المشرفة. Les musulmans se diriger dans leur salat vers le mezid de la Qasa. C'est-à-dire c'était ça leur Qibla. Leur Qibla c'était ça. Le mezid de la Qasa. Jusqu'à ce que Allah les aurait ordonné de prendre le mezid al-Haram comme Qibla pour eux. Alors ils se sont mis à faire salat en se dirigeant vers la noble Kaaba. Ah ouais, ce que j'ai pas compris, Asbahu. C'est devenir en fait. Il y a plusieurs sens à Asbaha. Des fois, ça peut être une action qui définit une chose qui se produit le matin. Là, c'est dans le sens, on va dire se mettre à, mais c'est devenir. Mais c'est cool. Fasbartum bi ni'mati ikhwana. Vous êtes devenus, par ce bienfait, des frères. Vous êtes devenus. Ça dépend de la phrase, tu vois. La Asbaha, c'est maintenant dans le sens de devenir, mais là on ne pourra pas dire ils sont devenus à faire salat. On va dire ils se sont mis à faire salat. On va être obligé d'arranger en français. Thumma fataha al-muslimuna Palestine. Ensuite, les musulmans ont conquis la Palestine. Puis Zemen al-Khalifa Omar ibn Khattab. À l'époque du califat de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Wa nasharu fiha al-Islam. وظلت فلسطين بلدا عربيا اسلاميا منذ 14 قرنا. Et qu'après ils ont propagé l'islam et que ce pays a demeuré et resté un pays arabe islamique depuis 14 siècles. D'accord, depuis 14 siècles. وحينما استعمر البريطانيون فلسطين هاجر إليها اليهود من أنحاء العالم. Et lorsque les Anglais ont colonisé la Palestine, les Juifs y ont émigré de tout coin du monde. Ils sont arrivés de partout. Anja c'est Anha. Anha. C'est le djem de Nahou. Il y a la direction, en toute direction. Alors les Juifs sont venus de tout coin du monde. J'ai dit Anja, moi ? Quand j'ai lu ? Non, c'est peut-être moi. Parce que j'ai dit Anja, mais je ne peux pas attention. C'est Anha. Min Anha al-Alim. Wahtahallu Ardahu. Et qu'ils se sont mis à occuper leur terre. Virus. Fi'am, Famanin, Wassittin, Wassalafmiya, Wa'alf, Min al-Hijra. يعني 48 و 900 و 1000 ميلاديه c'est-à-dire en l'an 1368 de la Hijra qui équivaut à 1948 grégorien. وفلسطين تقع شرق بحر الابيض المتوسط وغرب الاردن وجنوب سوريا واللبنان وشمال شبه جزيره سيناء المصريه. Donc la Palestine se trouve entre l'est de la mer Blanche, entre l'ouest de la Jordanie, le sud de la Syrie et du Liban, et la gauche de la presqu'île égyptienne, ou péninsule. Wa tablour masahatuha 27,000. Yani que sa superficie, on va dire, équivaut à 27 000 km carrés, à peu près. Comme Kataba. Kataba, 27,000 km murabba'an takriban. C'est-à-dire que sa superficie équivaut à peu près à 27 000 km carrés. ويتكون سطح فلسطين من سهول الخصبة ومرتفعات الجبلية والمنخفضات والصحراء النقب. Donc il dit que les plateaux de la Palestine, on va dire ça plutôt son sol est constitué de plaines fertiles. Vous voyez, سهول c'est des plaines. Wakhizbo, on a dit fertile. Ou de hauteur montagneuse. Murtafiat al-Jabaliya. Des hauteurs montagneuses. Ou munkhafidat. Munkhafidat, c'est les bassins. Ou Sahra al-Naqab. Et le désert. Le naqab, j'ai pas trouvé. Dans des airs ou quoi, je le connais pas. Je te dis loin en géographie. والمرتفعات الجبلية والجهات الساحلية من فلسطين معتدلة الحرارة. Donc il dit les hauteurs montagneuses ainsi que les côtes. Vous voyez, on va dire les régions côtières de la Palestine sont de chaleur tempérée, c'est-à-dire le climat. Mu'tadilat al-harara, une chaleur tempérée. Climat tempéré, on va le dire. Amma al-munkhafidatu was-suhul fa hiya shadidatu al-harara sayfan. Quant aux bassins et aux plaines, sont de climat chaud, aride, en été. طيب هناك وفي الشتاء تهب الرياح على فلسطين فتسقط الامطار وكلما اتجهت الرياح شرقا قلت الامطار. Donc il dit que en hiver par contre les vents soufflent sur la Palestine et les pluies tombent. تسقط الامطار. امطار c'est le jam de matar. Et à chaque fois que les vents se dirigent vers l'est, alors les pluies diminuent. Kullama ittajahat ar-riyah sharqan qallat al-amtar. C'est qallati ou qallat? Là ils ont mis une kasra par rapport à l'tika sakinain. À la base c'est qallat en sukun, mais ils ont mis une kasra pour l'tika sakinain. Fahimt? Wa fil juz al-junubi min Falastin taqillu al-amtar ayda. Et dans la partie du sud de la Palestine, hein, également les pluies diminuent. Taqillu al-amtaru ayda. Les pluies diminuent. Quand la yaqillu, qui veut dire diminuer. Wa la ya'ishu min sukkan al-arab al-asliyin fi Palestine al-an sawa 9 million shakhs taht ihtilal al-yahudi. Donc il dit qu'aujourd'hui parmi ces résidents sukkan ne vit. Et on parle des résidents arabes d'origine. On appelle ça les indigènes. Un indigène, c'est celui qui vit dans le pays d'où il vient. C'est pas comme on te fait croire avec les os dans le nez ou je sais pas quoi. Un indigène, à la base, le terme scientifique indigène, c'est quelqu'un qui vit dans le pays dans lequel, duquel il vient. C'est un indigène. Et oui, tu as compris l'indigène, c'est le sauvage là avec. Ouais, c'est qui vit dans la brousse là. Ouais, dans la brousse, dans la jungle, je sais pas quoi, c'est non. Ça. Moi je me rappelle bien à l'école, il disait l'indigène, c'est celui qui vit dans la terre d'où il vient, sa terre d'origine. Tu vois. Donc j'allais en dire au prof, vous êtes une indigène alors. C'est une française. Vous êtes une indigène, madame alors. Moi je suis martiniquais, je suis pas indigène. Moi. La France, c'est pas mon pays à la base. Moi je suis d'origine. Vous avez colonisé la Martinique, mais à la base, martiniquais, on n'est pas des Français. On est français sur la carte et tout, mais on est des noirs, on n'est pas. Et les français, c'est des blancs. Alors, on n'est pas des français à la base. On a été colonisés. Après, on a été importés là-bas. Après, il y en a, ils ont suivi pour la dounia. Mais à la base, un martiniquais ou un guadeloupéen ou un antillais, à la base, d'origine, c'est pas un français. Tu vois, pas un français. Déjà, on est même plus proche des américains que des français, d'une part. Car les origines des antillais, à la base, c'est des indiens. À la base, ils appellent ça en anglais West Indies. Et en arabe, ça s'appelle Juz le Hind al-Gharbiya, le Hind al-Gharbiya. À la base, c'est des Indiens qui vivent là. Tu vois, c'est des Indiens qui vivent aux Antilles. Après, les Européens ont débarqué avec les Noirs d'Afrique. Tu vois, ils sont installés là-bas et ça fait un mélange. Et les Antilles sont mélangés. Ils ne sont pas peut-être tous Africains qui sont Indiens. Il y a du sang blanc, du sang rouge et du sang noir. Ils sont mélangés. Et toutes les Antilles, c'est pareil. Tu vois, tout ce qui est, même les lieux comme Haïti, comme Trinidad, les Bahamas, tout ça, là. Pareil. C'est la même, à peu près la même chose. Tu vois les Indiens qu'il y a en Amérique du Sud? Ceux qui adorent le soleil, là, ou je sais pas quoi, les Incas, là. Tu rappelles pas? Ceux qui adorent le soleil. Je sais plus comment on les appelle. Eh ben, c'était les mêmes qui habitaient aux Antilles. C'était eux les premiers habitants des Antilles. Et après, les Européens, de l'époque, comme d'hab, ils ont fait leur façade, ils sont arrivés, ils ont voulu tout prendre, tout casser, tout tuer, tout brûler, et après ils disent que c'est les musulmans, les sauvages. Allahu Akbar. Où qu'ils aillent, ces gens-là, ils font leur façade, tu vois. Et après, ils sont fait pour les héros, les gens avancés, les gens je sais pas quoi. Alors que ce sont les criminels. Et toutes leurs richesses aujourd'hui, que ce soit l'Europe ou l'Amérique, sont basées sur la colonisation et l'esclavage. Ils n'ont rien fait de leurs mains. Tu vois ? Soit les gens disent, ouais, c'est des pays forts, ouais, mais leur richesse, comment ils ont obtenu ? Par les crimes, en tuant, en servant des autres êtres humains. Et aujourd'hui, ils vivent dessus. Ah, mais les pays comme l'Afrique ou les pays d'Asie, ils n'ont pas fait ça. Moi, je ne connais pas l'Asie, ils ont fait ça, tu vois. Les pays d'Afrique, ils ont vécu par eux-mêmes. Donc aujourd'hui, ils paraissent plus pauvres, non. Mais à la base, ils n'ont pas commis les crimes que les Européens et les Américains ont commis. Même, on va dire, Européens, parce qu'à la base, l'Amérique aussi, l'Américain. L'Amérique, c'est pas eux. Hein. C'était aux Indiens, les Américains, les premiers Américains. Les Irlandais, les Anglais ont débarqué, ils ont fait ce qu'ils ont fait. À la base, l'Amérique n'était pas. C'est pas un pays où il y a des blancs. C'est les Indiens qu'il y avait. Ce qu'on appelle les Apaches ici ou là, tout ça, là, comme dans les films, les westerns. C'était eux les Américains, c'est les vrais Américains. Donc toute l'Amérique à la base, c'est ça. Tu vois ? Et les Antilles, ils en faisaient partie. Regarde la Martinique, c'est où ? À côté du Brésil. Regarde le Venezuela. La Guadeloupe, tout ça. C'est là, dans la mer des Caraïbes. À la base, ça appartient à ce territoire-là. Donc les peuples, c'était les mêmes. Et ils sont arrivés, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Tu vois ? Maintenant, la Martinique, l'île aux fleurs, touristique, on aime y aller, je sais pas quoi. Mais à la base, quand tu regardes l'histoire, la Martinique, même l'origine, elle n'est pas africaine. Elle est américaine et indienne, on va dire. Américaine et indienne. Donc là, c'est pareil. Ils sont arrivés en Palestine, les Anglais, ils ont ramené ces Juifs-là avec eux, là, et voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et après, on dit, ouais, non, c'est la terre des Juifs, je sais pas quoi. Ils n'ont pas de terre, les Juifs. Ils n'ont pas de terre, les Juifs. La terre qui les attend, c'est pas Toba, ça va être le Nar, c'est ça qui les attend. Et les gens, ils sont là, ouais, c'est des endroits de l'homme, je sais pas quoi, regarde ce qu'ils laissent faire à nos frères là-bas. Ma'ouz billah. Et ils sont qu'une poignée, hein, les Juifs. Hein. Attention, hein. Ils sont une petite poignée. Hein. Ils sont pas nombreux, hein, les Juifs. Hein. C'est un petit peuple, hein. Faut pas croire. Hein. Ah, ils sont pas nombreux, les Juifs. C'est juste qu'ils ont beaucoup d'argent. Avec le riba qu'ils font, toute façade qu'ils font, ils tiennent les banques, ils tiennent tous les trucs. Ils ont beaucoup d'argent. Et ils sont des radins aussi. Hein. Ce sont des gros radins. Ça, c'est marrant. Comme chez les Koufars, on disait, t'es radin comme un Juif. Donc voilà, donc ces gens-là, ils ont fait le façade partout. Tu vois. Ils l'ont fait en Afrique, ils l'ont fait en Amérique, et ils le font en Asie. Partout où ils vont, ces gens-là, les Européens, ils ont fait le façade. Nassalallah yantakima minhum. Après, attends, je me suis arrêté où ? Tayeb, Yaqoul, donc on dit que les pays, les habitants d'origine arabes, aujourd'hui, ne sont que 500 000. T'imagines un peu ? 500 000, mon frère. Ils sont vraiment, vraiment pas nombreux. Sous l'occupation des Juifs. Bien entendu, parce que la Palestine, malheureusement, elle est contrôlée par qui ? Par les Juifs. أما الباقون فيعيشون في معسكرات اللاديين في بلاد العربية أو يعملون فيها ويعيش بعضهم في بلدان أخرى. Quant aux autres, الباقون, ils vivent dans des camps de réfugiés dans les pays arabes, ou alors ils y travaillent, c'est dans les pays arabes, et certains vivent dans d'autres pays. Il y en a beaucoup en Amérique aussi, aux États-Unis. Et il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein, il m'a dit des Palestiniens en Amérique. En France, pourquoi on n'a pas beaucoup ? Franchement, Palestiniens, on n'a pas beaucoup en France. En France, c'est plutôt les pays d'Afrique du Nord. La Palestine, même les Yéménites, tout ça, il n'y a pas en France. Ils sont rares. Il y en a, mais ils sont rares. Les Yéménites français, c'est rare. Palestiniens français, tout ça. Généralement, c'est plus que Tunisiens, Algériens, Marocains. Même les Libyens, on n'a pas beaucoup de Libyens. Je ne me rappelle pas qu'il y ait beaucoup de Libyens en France. Parce que la Libye, elle n'a pas été colonisée par la France. C'est quoi, l'Angleterre ? La Libye, je ne sais pas par qui, mais la France, ils n'ont pas eu leur pied en Libye, je crois. Alors, en tout cas, tout ce qui est Afrique du Nord, même l'Afrique de façon générale, ouais, la France, ils les ont colonisés. Et jusqu'à présent, mais on peut dire ce qu'ils veulent, sont toujours colonisés. On peut dire ce qu'on veut. Les Afkars, ces gens-là, c'est toujours la France, c'est le pays du rêve pour eux. Les pays, les gens d'Afrique, la France, pour eux, c'est... Attention. Attention, la France. C'est le pays de la réussite. Et ils n'ont rien compris. Et nous, on part, dis-nous, nous, vous partez, nous, on veut y aller. Vous avez rien compris, vous. C'est toi qui as rien compris, toi. Toi, tu veux la dunya, nous, l'akhira. T'as fait ton choix. Vas-y, donne ta carte, moi, je te donne, donne-moi ta carte, je te donne la mienne, si tu veux. Donne-moi ta carte de ton pays d'islam, moi, je te donne ma carte française, vas-y. Je vais pas t'aider, mais si jamais c'est le prix à payer pour que je puisse aller vivre en paix chez mes frères, donne. Vous avez rien compris. Tu vois. Ils vont jusqu'à se noyer, traverser la mer pour aller jusqu'en France, faire des bateaux, je sais pas quoi, pour arriver chez dans cette fosse sceptique, mon frère. T'imagines un peu? Et il y en a combien après? Il y a cette donne, il y a des moulins fiers. Combien? Il y en a, c'est des joueurs, ils ne savent pas. Après, ils regrettent. Il y en a, ils ont connu l'Istiqama en France, hein, faut dire ce qu'il y a. T'as des frères, ils m'ont dit, moi je suis né en Algérie, Kazakhstan, mais j'ai connu la Salafia en France. Ben maintenant, retourne alors. Tu l'as connu? Eh ben retourne d'où tu viens. Et va la propager aux autres, de ce que tu peux. Ah, mais reste pas ici. Parce que ta salafia, tu l'as gardée, mais tu peux la perdre aussi. Et pire, ta salafia, ton islam, tu peux le perdre. Parce que là, il dit, ouais, c'est bon, j'ai connu la salafia en France, donc je reste ici. C'est-à-dire que c'est mieux. Non. C'est là que t'as wafok. Parce que la salafia, tu peux la connaître partout. Ada, dis donc là, où que tu sois, pour te faire connaître ta salafia. C'est pas lié à un pays. Une fois que tu... C'est comme l'islam. Tu peux connaître l'islam partout dans le monde. On va pas dire qu'il y a qu'un islam, un pays d'islam, on va connaître l'islam. Non. Même dans les plus gros ghettos dans les pays du Brésil, ou dans les pays d'Amérique, ou dans les lieux où c'est chaud, là, tu peux connaître l'islam, te convertir. Non, même la salafia, tu peux la connaître là-bas. Mais après, faut que tu l'appliques. Faut que tu l'appliques. Une fois que tu l'as attrapé. C'est pas un trophée qu'on met sur un buffet. On est bien d'accord. C'est un dîne, c'est une religion. Tu l'appliques comment? On dit, c'est un trophée pour, ouais, j'ai la salafia, ouais, tu l'as. Bah, vas-y. Bah, en tout cas, pour Camis, on le voit, non. Ta barbe, on la voit, non. Tout ça, on le voit. Ta femme en jidbem, on la voit. Mais en dessous, il y a quoi? Là, là. Dans ton cœur, il y a quoi? Tu vois? Dans ta tête, il y a quoi? Dans tes bras, dans tes jambes, il y a quoi? Sur ta langue, il y a quoi? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? C'est une salafia, ça? T'es un salafi, mon frère, tu repars chez tes frères. T'as ton le tawhid, le menhaj, la akida, tu peux pas rester là-dedans. Donc, cette salafia que t'as, c'est comme, ils disent là, comme je t'ai dit là, un trophée. Tu vas pas la garder si tu restes là-bas. Illa izah rahmakallah. Et t'en as plein, ils sont là-bas, ils disent, ils croient qu'ils sont salafis, ils sont complètement à côté de la plaque. Parce que pour eux, la salafie, comme je dis souvent, c'est une mode, c'est un effet de mode pour beaucoup. Ils n'ont pas compris la salafia. C'est un effet de mode. À partir du moment où t'as un kamis, t'as une barbe, tu colles les chevilles sur les chevilles, et que tu dis, tu es Cheikh Al-Albani, Cheikh Al-Faymi, Cheikh Ben Bez, et maintenant là, le matrali, khala, c'est un salafi maintenant. On dit, c'est limité à ça la salafia pour toi? C'est limité à ça? Parce que tu dis là, il y a du vrai là. Mais c'est pas que ça la salafia, c'est bien plus large que ça. C'est des actes. Tu vois? C'est une alliance, un désaveu. Approbé des koufars, et ensuite des gens des passions. Parce que t'en as, tu les vois, ils sont en France, là, j'en ai vu, ils font des séminaires, comme ils disent, enfin, c'est des daura. Il y a un qui parle sur les gens du Hawa. On leur dit Barakallahu fikum. C'est bien de parler sur les gens de la Bida. Mais c'est quoi plus important que toi qu'en France? Parler sur un innovateur ou parler sur le koufar? C'est bizarre quand même. T'es en France, on parle sur les Khawarij, on parle sur la Haddadiya, on parle sur le Daesh, on parle sur les Tablir, on parle sur les Soufis. On dit Barakallahu fikum. C'est bien, faut le faire. C'est wajib. Mais les juifs, les chrétiens là, pourquoi tu ne parles pas sur eux? C'est qui les pires là? Demain, Tablir, c'est mon frère. Je l'aime d'un amour fraternel islamique. Maintenant, par sa bida, mon amour il est bas pour lui. Même le soufi, tant que sa bida n'a pas atteint le stade du kouf, c'est mon frère en islam. Tu vois? Il laisse un égaré et tout, laisse ce qu'il y a, mais ça reste mon frère en islam. Tu vois? Moi je parle de celui qui n'a pas atteint le stade du kouf. Hein. Mm. Pas des rourades parmi les soufis, hein, qui adorent les tombes et tout. Tous ces gens-là, les ikhwan muslimin, qui n'ont pas atteint un stade d'aussi pareil de Zandaka, ce sont nos frères en islam. Donc maintenant, c'est bien, il faut parler sur le regardement. Il faut qu'on sait la Oumma. Mais le Nabi, ça semble, il a commencé par quoi? Il a parlé de Touhid en premier ou des Khawarij? Les Khawarij, c'est à la fin qu'il a parlé d'eux. Les gens de la Bida, ils ont apparu chez les Sahaba après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le premier, c'était Zakir Khalidji. C'était le premier. Est-ce qu'il arrive au début? Non. C'était qui les premiers gens des passions ennemis à l'islam dans l'islam? C'était les Mounafiqoun. Ou le Mounafiq, c'est un kafir. Pourquoi tu parles pas d'eux? Pourquoi tu parles des juifs, des chrétiens? Parce que tu as peur d'eux. Ils ont peur d'eux. Ah, par contre, le Khalidji, c'est qu'il va rien te faire. Peut-être qu'il y a un jour dans la rue, il va t'attraper, il va te taper, bon, c'est rien. Quelques bleus, après c'est fini. Mais le kafir, il va te faire la misère. Plus de pays, plus d'appart, plus de voiture, plus de dunya. Et c'est ça qu'ils ont peur, ces gens-là. La dunya, ah, j'ai pas ma dunya. Mais Akhi, tu vas pas ta dunya, mais tu gagnes ton dîme, mon frère. Sauve-toi, reste pas avec eux. Si t'es sincère en ce que tu dis, parce que t'en as aussi, ils font ça. Ils parlent des gens de la bid'a. Juste pourquoi? Enfin, je peux pas dire ça, parce que je connais pas leur niya. Mais ce qui apparaît dans leur fait, c'est juste pour dire aux kuffars, non, nous aussi, on les aime pas, on n'est pas avec eux. On parle sur Daesh, parce que, vous inquiétez pas, nous, on n'est pas avec eux. Hein. Comme ça, les kafirs, ils l'aiment bien. Pour dire, moi, je suis pas comme lui, moi. Il ne parle pas sur Daesh par haine contre Daesh, parce que ces gens-là font du mal à l'islam. Il parle juste pour bien faire voir pour le, par les koufars. Comme ça, le maire de la ville, si tu veux une mosquée, attention. Ah non, moi je suis pas Daesh, moi je vous dis, demain je suis une khutba, je parle que c'est Daesh, monsieur le maire, si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Monsieur le maire fait vas-y. Le lendemain, il me semble une barre, Daesh, il les démonte. Barakallahu fik. Asallah, il n'y a rien que la. Et le maire, quand est-ce que la khutba sur le maire, quand est-ce qu'elle aura lieu? Tu vas faire une khutba sur le maire ou pas? Sur la démocratie, sur les votes, l'élection, pourquoi tu ne les fais pas? Ah, il va dire, non, mais t'as vu, maslaha, kaza, ah, maslaha, kaza, kaza. Hein? T'es là où? Tu vois? Et parmi eux, il y a les frères, malheureusement, qui sont tout ça, qui sont ignorants, qui ne savent pas. Toujours, moi, je parle des têtes meneuses qui savent, tu vois, les ignorants, encore la masse, c'est autre chose, tu vois. Nasallah, an yuafiqahum, le tabassour, fait din. Amal et la aboun, qui se disent, du'at, la salafia, là, avec leur barbe qui monte et qu'ils font plus de mal à la salafia qu'autre chose. Tu vois, franchement, ces gens-là, c'est l'un des bases de leur mal. Et ces gens-là, je vais trouver souvent dans les pays de Koufra. Souvent. Angleterre, France, Belgique, tu vois. Voilà, c'est là que tu vas les trouver. Et après, tu as les autres, là, ceux qui sont en pays d'islam, qui sont complexés, qui veulent aussi aller là-bas tout le temps. Faire d'arbre là-bas tout le temps. Je suis du Maroc, je suis d'Algérie, mais je vais là en France pour faire d'arbre. Je suis ton pays n'a pas besoin d'arwa, l'Algérie n'a pas besoin d'arwa, ou le Maroc n'a pas besoin d'arwa, les Marocains n'ont pas besoin d'avoir d'arwa, les Français n'ont plus besoin d'avoir d'arwa. Cheikh Albani l'a bien dit, il avait une cassette, dedans il parlait justement de ceux qui faisaient ça, qui partaient de pays d'islam pour aller en pays de Koufre, pour projeter la d'arwa. Il dit, nous on y va pour appeler les gens l'islam. Cheikh Albani dit, taïeb, t'appelles les gens l'islam, c'est une bonne chose, barakallahu fik. Mais il dit à la base, l'islam il marche sur une tariqa que tu prends le plus facile, ce qui est le plus facile pour toi, le prioritaire. Il dit maintenant là, c'est quoi le plus dur pour toi? D'appeler les gens à revenir, d'appeler des musulmans à se repentir à droit, ou appeler des koufars à rentrer en islam? C'est quoi le plus dur? Ouais, que à la base, il a dit dans ton pays d'islam là, c'est des musulmans ou pas à la base? Il fait naam. Donc ils ont des bases, naam. Eh bien, arrange ces bases d'abord, commence par eux, renforce-les, et tu verras que si tout le temps dans ton pays, du moins une bonne partie, commence à devenir droit, eh bien ça va influer sur les autres à l'extérieur. C'est quoi le plus dur à dire? C'est quoi le plus dur pour toi? Appeler un kafir du zéro à l'islam ou d'appeler un muslim qui a déjà des bases de devenir droit? C'est quoi le plus facile pour toi? Pourquoi tu fais pas? Commence par ce qui est plus facile plutôt que de te casser la tête d'aller jusque là-bas. En plus, ça te coûte de l'argent, le voyage et tout, et tu t'exposes en plus dans ta religion, aller chez eux. Donc t'as plus de mafacide à faire ça. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, ces gens-là souvent disent ça, mais c'est dans leur cœur, c'est la dunia qui veut. Je vais aller en France faire da'wa. Naam. Tu vas faire da'wa en France, naam. Mais ton billet d'avion, c'est toi qui le payes, je suis sûr. Et quand tu arrives là-bas, tu es nourri, logé à l'œil, je pense aussi. Tu vois? Et tu sais que là-bas, les petits frères de France sont ignorants, ils vont te gonfler comme je sais pas. Alors qu'au Maroc, les gens, ils savent qui tu es. En France, tu parles arabe, machallah. Au Maroc, ils parlent tous arabe presque. Donc tu ne vas pas les impressionner. En France, tu causes le Coran par cœur. Au Maroc, tu parles le Coran par cœur. Ou beaucoup. Ils sont très forts au Maroc en plus. Donc tu ne vas pas les impressionner. Mais en France, on impressionne. Ouais, tu vois. T'arrives en France, garde tout, il est trop fort. Ouais, mais dans son pays, il est rien du tout. Il est rien du tout dans son pays, il est majhoul. À part des petits frères de France qui viennent dans son pays et qui sont autour de lui. On dit, c'est pas normal, c'est bizarre quand même. T'es de ce pays-là, dans ton pays, personne ne te connaît. T'as un derrière, soi-disant, t'as de la science. On n'entend pas de mohadra toi en arabe, pas trop de bateau en arabe, ni rien du tout. Mais en France, hein, qu'on parle de toi. C'est étrange, tu vois. Franchement, on n'a pas compris. Comment faire ton pays, arrête. Et si Allah est wafok, qu'après ça se propage, bah, t'fadol. On ne dit pas que c'est interdit dans le pays de Kouf faire la darwa. On ne dit pas ça, attention. On dit, si tu le fais, tu le fais bien. Tu as une bonne niya. Et que ton cause, c'est vraiment appeler la Oumma à se mettre droite. Et pas arrêter là-bas et profiter d'eux. Tu vois? Et de faire une image. C'est pas ça. De toute façon, comme le Nabi sallam, man sam'a samarullah. Pourquoi le hadith, il oublie le love. C'est-à-dire que celui qui veut se faire connaître, Allah va le faire connaître. Mais en mal. Et celui qui veut se faire voir, Allah va le faire voir, mais en mal. Donc, tu veux ça, Allah va te donner. Et sache que quoi que tu fasses, comme encore l'État Allah, fouq, kul, zi ilmin alim. Au-dessus de chaque personne qui a de la science, il y a plus savant que lui. Donc, quoi que tu fasses, tu auras toujours quelqu'un qui va te dévoiler, de toute façon. Quelqu'un qui va voir ton jeu. Allah va faire que tu vas être mafdour. Quoi que tu caches comme cinéma, ce que tu veux, il y a toujours des gens qui ont une basira qui vont te déceler ce que tu as en toi. Comme Charles. Un frère plus savant que toi va venir et va dire toi, t'as pas étudié, toi, ça se voit. T'as pas de science. Les gens là, ils vont te voir, ouais, il est fort, machallah, machallah, parce qu'ils ne connaissent pas. Mais demain, là, il va être éprouvé par quelqu'un qui connaît, lui, qui va te voir, va dire, Alors des masaïl, comment tu patouches dedans, comment tu t'embrouilles, ça t'as pas étudié, toi, ça se voit. Tu mélanges tout. Si il y avait celui qui joue, allez, le fdar toujours. Sans que tu aies besoin d'enquêter ou quoi, allez, te dévoile toujours. Tu joues avec sa religion, allez, va te fdar. C'est ça le problème, beaucoup ils comprennent pas ça. Ils pensent qu'ils vont jouer comme ça, faire la comédie, qu'Allah ne va pas les dévoiler. Malheureusement. Et Inch'Allah. Va nous kmil. تمام ثم يقول ويأمل الفلسطينيون أن يجمع الله شتاتهم في وطنهم المغتصب ولذلك تراهم يرفعون رياض الجهاد منذ احتلال بلدهم حتى اليوم. Donc il dit maintenant les Palestiniens espèrent toujours que Allah les réunisse tous dans leur pays, on va dire pris de force, injustement usurpé. On avait dit quoi? Mukhtasab, c'est une chose qui a été prise de force. Et c'est pour cela qu'ils brandissent l'étendard du djihad depuis l'occupation de leur pays. Vu que leur pays a été occupé par qui? Par les juifs. Jusqu'à ce jour. Et même ce djihad en Palestine... Ah ça, le drapeau, c'est Rayat. Rayat, ouais, c'est l'étendard, le drapeau. La bannière. Et même ce djihad en Palestine, il y a Fille Kalem. À la base, ceux qui sont là-bas, ils se défendent. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Ils sont dans leur pays... Hein, ils ont le droit de se défendre. Mais ils ne sont pas en force de le faire. Ils n'ont pas la coudre de le faire. Regardez, à la chaque fois qu'ils se passent, ils sont massacrés. Ça leur fait de la peine ce qui leur arrive et tout. Mais il faut dire à la haq, ils n'ont pas la force de faire de combattre. Les autres, ils sont armés, ils ont des armées, des armes. Ils n'ont rien, eux. Et même entre eux, ils se trompent les uns les autres. Ils ont des organismes qui sont là, soi-disant, pour aider. Ils font plus de mal aux choses que les musulmans, ça se trouve. À l'intérieur, je parle. À l'intérieur du cercle de l'islam. C'est des gens eux-mêmes, parce que s'ils étaient soudés, ils étaient soudés comme ça, sur le stikama, ils ne pourraient pas leur nuire vraiment. Mais ils sont divisés, ils sont affaiblis, et ils n'ont pas les moyens de combattre. Malheureusement, c'est ça le problème. Mais non, on ne dit pas celui qui est là-bas, il ne se défend pas. Non, laisse-toi tuer. Non, défends-toi, mon frère. Mais trouve aussi, quand dans les moments de paix ou quoi, ou dans les moments de calme où il n'y a pas vraiment de combat, trouve une façon justement de sauver ta religion et ta vie. T'es devant un ennemi, tu peux pas le combattre. Pour l'instant. Et ça fait combien d'années qu'ils combattent? Toujours pas de résultat. Combien d'années qu'ils combattent? Combien d'années qu'ils combattent, mon frère? Parce qu'il y a un truc qui va pas. Mais il y a un truc qui a pas été établi. Qui fait que Allah t'a donné le lance. Les Sahaba, ils ont combattu. Et ça a jamais duré des années comme ça, occupés. Ça, souvent, c'est vrai que c'est un khalil quelque part. Il y a un truc qui va pas, qu'il faut arranger. Et après, Allah donne le lance, tam. Complet. Regarde, malgré tout, on est là, regarde, pour dire même nous, comment les doigts qu'on est, les musulmans autour d'eux, normalement on serait nous comme ça. On débarque tous. Les gouverneurs, ils appellent le djihad de la Palestine, ils mettent les armées en place, tout ça, ils appellent les gens à se mobiliser, khalas, personne ne touche. Tu vois? Le khalal, il n'est pas de la Palestine en soi, il est de la Ummah de façon générale. Normalement, tu touches un musulman, Marie, t'as. Tu touches un musulman, normalement, Biril Haq, mais t'as tout le monde qui se lève. Normalement, l'islam, on est solidaire, tu vois, en religion. Mais aujourd'hui, c'est plus comme ça. Malheureusement. Il y a un khalal dans la Oumma en soi. C'est pas la Palestine, c'est juste un signe qui te montre ce khalal. Demain, ça peut être ailleurs. Ça peut être ce qui s'est passé en Birmanie. T'as eu les massacres qu'il y a eu en Birmanie. Ils ont massacré des musulmans sous silence. Personne n'était au courant de rien. Au Sri Lanka, quelques mois, je sais pas si tu te rappelles quand Cheikh Abdel Hamid était là-bas. Ouais. Regarde ce qu'ils faisaient. Personne n'en parlait. Tu vois, là c'est les gros trucs. Arrête-moi des matchs, regarde des matchs. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui c'est qu'on a parlé? Vite fait, comme ça, nous parle à droite à gauche, vite fait. Tu vois, un blocus comme ça, des femmes, des enfants, t'empêchent de manger, on te tape dessus avec des tanks et des mortiers, je sais pas quoi, on dit rien. Tu fais ça, wallah, tu fais ça à un village chrétien, tu vois. Mon frère, dans tous les journaux, on en parle. Il y a eu 2 morts, on dit, il y a eu 2 millions de morts. Ils vont mettre des enfants, des corps d'enfants déchiquetés par terre, regardez et tout, des corps de vieux par terre. Mais quand c'est les musulmans? Ah, c'est crache dessus, dis-toi, vas-y. Mourez. Ils vont dire, qui t'a dit d'aller là-bas, ils vont dire. Qu'est-ce que tu fais là-bas, à la base, ils vont dire. Je dis, je suis libre, je vais où je veux. À la base, on veut pas votre aide. C'est pas votre aide. C'est qu'on veut juste montrer qu'on veut être des menteurs. C'est tout. Genre les droits de l'homme, ce genre de choses. On veut juste montrer que vous êtes des menteurs. Sinon, vous, on n'a rien à faire de vous. Nous, on veut le lance d'Allah. Toi, t'es rien, toi. Nous, on veut le lance d'Allah. Et, parmi les Asbet Dunia, le soutien de nos frères. Tout comme nous, si on pouvait les soutenir lorsqu'ils seraient en problème. Ça, c'est le haq al muslim à la muslim. Ça, c'est le confidine. Fallait comme on nasr. Si jamais ils appellent à ce que vous les secouriez, en religion, alors secourez-les. C'est wajib. le cas de l'istita. Aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'on marche, malheureusement. Pourquoi? Parce que y a des gens, justement, au lieu d'appeler à ça dans leur pays, ils vont aller jouer dans les pays des autres. Par exemple, ça joue, ça. Commence déjà par rendre tes frères solidaires dans leur pays, entre eux, et après, on va chez les autres. Même les koufars, ils ont une réflexion qui dit d'abord de balayer devant ta porte. Tout dans le style. Ouais. Tu connais? C'est-à-dire, commence déjà par chez toi. Commence par ta famille, tes enfants, tes voisins, ton voisinage. Après, tu élargis le cercle au fur et à mesure jusqu'à ce que tu arrives. Nabi Sallam, il a commencé comment? Par les sahabas autour de lui. Au fur et à mesure, après par échelon. Maintenant, il veut sauter directement les étapes. Je suis là, je vais aller directement, je vais casser l'Arc de Triomphe, je fais une Kaaba à la place. Vas-y. Tahattak, essaye. Et tu verras le résultat. Si ton dîner n'en prend pas un coup, tu verras le résultat. Allah Moustah. Faqal, fa Palestine, beladun, zira ayoun. وتعتمد الزراعة فيها على مياه الأمطار والينابيع والأنهار ومن منتجاتها الزراعية الفواكه والحبوب والخضروات ويعمل بعض سكانها بتربية الغنم والإبل واستخراج المعادن من جوف الأرض. Donc il dit la Palestine, c'est un pays à la base agricole qui se repose sur son agriculture. Du moins, son agriculture, afin de se repose, est basée sur les eaux des pluies et celles des sources et des fleuves, et de ses produits agricoles, comme les fruits, comme les graines, comme les légumes, et certains d'entre eux travaillent dans l'élevage des moutons, des bergers, quoi, et du chameau, et dans l'extraction de métaux. Depuis le cœur, on va dire, dit Jouf, mais on va dire le cœur de la terre, des profondeurs de la terre plutôt. Wamin aham. مدن فلسطين القدس عاصمة فلسطين وفيها بيت المقدس. Parmi les plus importantes, plus grandes villes de la Palestine, c'est le Quds, qui est la capitale de la Palestine, dans laquelle se trouve le Beit al-Maqdis. C'est bien de Yenboa, source. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais te laisser. Tu le reliras demain, le texte. Tu le prépares bien, pour être à l'aise. Tu le lis plusieurs fois, demain tu le reliras. Et on commencera quelques temps de débattre. Bismillah. T'as des questions sur des mots qui t'ont échappé ou pas? Je mettrai au propre. Ouais. De toute façon, il n'y aura que 6. Attends. 8 exercices. Il n'y a pas beaucoup. مع تحية دمام أفاف.com